rappelle plus du nom de la rue où je l'ai vue comme par hasard. C'était comme un moment suspendu dans les dérives de Saint-Nulle-Part. Un homme à feu qui jetait des flammes, une lampe allumée en plein jour, une sorte de soleil pour les âmes, une pof d'air pur en habit de velours. J'ai dit, je te suis. Solitude va deux par deux. Dans les solos du vieux Snoro, il y avait des questions entre les mots. Le jour où je pense que j'ai compris ce qu'il voulait dire avec ses cris, j'ai dit, je te suis. Je te suis. Je te suis. Je te suis. Puis t'es débarqué dans ma vie comme un soleil après la pluie. À sécher les vieux orages, ensemble on a tourné la page. Tous les possibles dans tes yeux, comme un petit morceau du bon Dieu. Déesse à qui je fais l'amour avec des gestes de velours. Je t'ai dit, je te suis. Je te suis. Je te suis. Je te suis. Quand je me changerai en lumière bleue, aller retrouver mes aïeux dans le grand tunnel marqué sortie, comme un enfant suivant la vie. Je dirai, je te suis. Je te suis.